Chapitre 30e. Dieu merci, il ne vous est rien arrivé, s'écria Angèle en voyant entrer Joseph le surlendemain de l'affaire de Buzenval. Non, répondit-il, j'ai échappé au bal, mais j'ai vu de tristes choses. Il était encore pâle et à peine remis de sa fatigue. Il s'assit près d'Angèle et lui fit rapidement le récit des événements de l'avant-veille. La jeune fille l'écoutait avec anxiété, et ses yeux devenaient humides. « Comme je suis heureuse de vous revoir, » reprit-elle. « Si vous saviez dans quelle transe nous étions le 19, en apprenant le départ de votre bataillon pour Buzenval, je tremblais à tous les coups de canon, et il me semblait que chacun d'eux vous était personnellement destiné. À la fin, n'y tenant plus, j'ai couru à l'église faire brûler un cierge à votre intention. « Vous êtes bonne, » murmura Joseph, « si j'étais resté là-bas. Je vous aurais donc un peu manqué. N'êtes-vous pas de la famille ? Hélas ! Que deviendrions-nous sans vous ? Je suis content de vous entendre, et cela m'encourage à vous parler à mon tour à cœur ouvert. Vous êtes seul ? Oui, ma mère est sortie. Joseph demeura un moment silencieux, puis se rapprochant brusquement d'Angèle et lui prenant les mains. Écoutez, commença-t-il d'une voix tremblante, il y a longtemps que je vais vous dire cela, bien longtemps. Mais je n'ai jamais osé, et puis le moment n'était pas propice. Aujourd'hui, cette affreuse guerre tira sa fin. Buzenval a été le dernier effort, et il court de vagues bruits d'armistice. Nous allons revoir sans doute des jours paisibles, et je puis vous entretenir sérieusement d'un projet, d'un désir. » Il s'interrompit, respira longuement, puis reprit avec une certaine hâte. « Vous êtes seul au monde avec votre mère, et vous ne pouvez continuer à vivre ainsi sans protection. Je suis seul aussi et je vous aime. Voulez-vous être ma femme ?» Angèle ouvrait la bouche pour répondre, mais il l'arrêta d'un geste suppliant et continua. « Je sais bien que ce que je vous offre est peu de choses. Je suis pauvre et ma personne n'est pas séduisante. Mais je travaillerai si vaillamment pour vous, et je vous aimerai d'un tel cœur que vous ne serez pas malheureuse. » Angèle lui serra tristement la main. « Merci, mon ami, mais je ne puis pas accepter. Pourquoi ? Eh bien, je vais vous le dire, » s'écria-t-elle en se levant et en se plaçant devant lui. « Regardez-moi. » Ses joues se couvrirent d'une vive rougeur, et il poursuivit en détournant les yeux. « La femme à laquelle vous donnerez votre nom doit être digne de le porter, et je ne le suis plus, ne comprenez-vous pas ?»« Si fait, » interrompit Toussaint, « je sais ce qui est arrivé, la Genevraie m'a tout appris. » Il y eut un moment de silence pendant lequel on n'entendait plus que le tic-tac lent et grave de l'horloge dans sa longue boîte. « Je savais cela, » continua Joseph en la forçant doucement à se rasseoir. C'est une raison de plus pour que j'insiste. Ne me repoussez pas. Dans l'intérêt même du pauvre être qui va venir au monde. » Les grands yeux bleus d'Angèle étaient pleins de larmes, mais elle secouait toujours négativement la tête. « Mon ami, » murmura-t-elle, « je ne vous ai donné qu'une de mes raisons. Il y en a encore une autre plus forte. C'est que j'aime toujours le père de cet enfant. Je ne le juge pas, je l'aime. » poursuivit-elle en imposant silence à Toussaint qui voulait se récrier. Si j'ai commis une faute, car je sais qu'aux yeux du monde c'est une faute, ma seule excuse est dans la ferveur et la persévérance de mon adoration pour René. Quoi qu'il arrive, René sera toujours pour moi ce qu'il était le soir où il m'a dit les premiers mots de tendresse en face de Notre-Dame. Je l'aime comme on croit, naïvement, les yeux fermés. Je serai fidèle à son souvenir. Voyez-vous, s'écria-t-elle en s'exaltant, quand on a été aimé par lui, il n'y a plus de place pour un autre amour. « C'est bien, » dit Joseph, en se levant d'un air profondément navré. « Je comprends. » Il avait pris son képi et se disposait à sortir. Angèle sentit qu'elle l'avait cruellement mortifié, et s'élançant vers lui, elle le retint par les deux mains. « Non, » répliqua-t-elle, « je ne veux pas que vous me quittiez de la sorte. Pardonnez-moi si j'étais trop franche et si je vous ai blessé. Restez notre ami. Aimez-moi comme un bon frère. » « Leur approche ou votre affection ne sera pas de trop ici. Allez !» Il se laissa fléchir. « Que votre volonté soit faite, » soupira-t-il, puis, la couvrant dans le regard affectueux, et voyant sa figure amaigrie et pâle, ses yeux cernés et brillants. « Pauvre Angèle, » reprit-il, « c'est une dure épreuve, et j'ai peur qu'elle ne pèse lourdement sur vos épaules. » « Non, non, j'aurai du courage, je travaillerai. Cet enfant sera ma consolation. » Et puis ajouta-t-elle en souriant et en reprenant sa légèreté étourdie. « Il changera la veine. Le bonheur ne reviendra avec lui. Elle se sentait lasse et alla s'étendre dans son fauteuil. « Mon bon Joseph, il faut que vous me promettiez encore une chose. Vous ne parlerez pas, maman, de votre proposition de tout à l'heure. Cela doit rester entre nous. Vous le voyez ?» dit-elle en faisant allusion aux incidents de leur première entrevue à Baie. « Il est écrit que nous aurons toujours de petits secrets à partager à nous deux. » Joseph la quitta mortellement triste. Ainsi qu'il l'avait prévu, le siège ne devait plus durer longtemps. On débattait les conditions de l'armistice et le 30 janvier, Paris, ayant mangé son dernier morceau de pain d'avoine, après que la capitulation était signée. L'aspect de la ville était lugubre. Un brouillard épais la couvrait d'un crêpe de deuil comme pour lui dérober la vue de ses forts si vaillamment défendus et dont les régiments prussiens prenaient possession. Dans les rues brumeuses, une population sombre et agitée se murmurait d'un air consterné les dures conditions de la paix probable. 5 milliards de rançons, l'abandon de l'Alsace et de la Lorraine. Joseph Toussaint ressentait profondément cette dernière humiliation. Il lui semblait qu'on venait de lui arracher un lambeau de son cœur. « Hélas, disait-il à Angèle, quand je voudrais aller visiter mon nid et le petit monde de mon enfance, il me faudra maintenant m'enfoncer jusqu'à 20 lieues en Allemagne. Aussi, ajoutait le pauvre garçon dans son langage figuré, quelle imprudence de tresser son nid sur l'arbre extrême de l'extrême lisière de la forêt. Ce fut lui qui apporta le premier croûton de pain blanc dans le logement de la rue du Dragon. Angèle n'osait plus sortir car il n'y avait plus moyen de dissimuler sa grossesse. « Quand j'aurai mon enfant, je ne le cacherai pas. Je serai fière de sortir avec lui, mais je suis honteuse de me montrer ainsi, » murmurait-elle en rougissant. Elle passait ses journées à travailler à l'aiguille près de sa mère. Les deux femmes s'exténuaient à coudre pour mettre un peu d'argent de côté en prévision de l'accouchement prochain. Mais leur travail était si mal payé qu'il suffisait à peine aux besoins de la vie quotidienne. Puis, dès qu'on avait quelques sous, la mère sénéchale ne pouvait résister à la tentation de rapporter quelques douceurs à Angèle ou d'acheter quelques franfioles inutiles pour le futur petit honnête homme. Un matin, elle rentra toute fière avec un joli bourrelet enrubanné qu'elle exposa bien en évidence sur le dressoir. Le moment, à la fois si redouté, si attendu, arriva enfin. Une après-midi de la mi-février, Toussaint trouva Angèle qui se promenait seule dans sa chambre avec une démarche nerveuse et saccadée. Elle était vêtue de son grand peignoir gris à larges manches et tous ses beaux cheveux châtains étaient retroussés ensemble sur le sommet de la tête. Elle tendit la main à Joseph. « Leur approche, » dit-elle. « Quand vous reviendrez demain, j'aurai mon enfant. Ma mère est chez la sage-femme. » Elle allait, venait, touchait machinalement à tous les objets et paraissait en proie à une agitation joyeuse et fébrile. Elle s'arrêta devant la cheminée, prit un petit bouquet de violettes dans un verre et le piqua dans ses cheveux. « Je me fais belle, » reprit-elle avec un sourire mystérieux. « J'attends du monde. » Ses yeux tombèrent sur le bouquet de roses desséchées accroché au-dessus de la Vénus de Milo. Elle le détacha, fouilla un tiroir, et en tira un paquet de lettres qu'elle fixa aux fleurs sèches. « Il faut tout prévoir, » murmura-t-elle. « Si je venais à mourir, vous enverriez cela à René. » Puis après un moment de réflexion, elle reprit avec amertume. « Non, j'oubliais qu'il n'est plus seul. Non, vous les mettriez avec moi dans le cercueil. » La figure de Toussaint s'était assombrie. « Je plaisante. » s'écria-t-elle en riant. « Rassurez-vous, je ne mourrai pas. Je me sens forte, au contraire, et je supporterai bravement la crise. » Jamais Joseph ne l'avait vue si jolie, et pourtant, dans son grand peignoir flottant, elle était bien frêle et bien amaigrie. Ses petites mains effilées avaient une pâleur de cire. Mais ses joues colorées par la fièvre et ses yeux étincelants donnaient à sa figure un caractère d'étrange beauté dans le demi-jour de la chambre. Elle continua à se promener de long en large, les bras nus croisés sur sa poitrine. De temps en temps, la souffrance lui arrachait un cri ou un geste d'impatience, puis elle se remettait à sourire pour se donner un air brave. Toussaint la regardait s'agiter de la sorte, avec une admiration mêlée d'effroi. La mère sénéchale était rentrée avec la sage-femme. Il prit congé d'Angèle. « Allons, » dit celle-ci en lui serrant la main. « Demain matin, maman vous écrira. Si le petit homme est là, rassurez-vous, tout ira bien. »